Vous écoutez France Culture. Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray à l'Université populaire de Caen. Dixième année, les consciences réfractaires. Aujourd'hui, un cartésianisme bolchévique. Bonsoir et merci d'être là. Je vais conclure l'aventure de ce chapitre consacré à Paul Nizan pour voir un petit peu comment son existence se termine brutalement, violemment, et comment elle donne un sens à sa vie philosophique, car il a été lui aussi un philosophe qui a tâché de penser ses idées. On n'est pas tenu de réussir, mais enfin, quand on essaie déjà, c'est beaucoup. C'est-à-dire ne pas se contenter d'avoir des idées, jouer avec les idées, et puis se moquer un peu des effets induits ou produits par ces idées-là. Nizan, comme Pulitzer et comme Camus, est quelqu'un qui a tâché de penser à partir des effets pratiques. On pourrait citer Bergson, il y a une belle phrase de Bergson, mais vous savez que ces deux-là n'aimaient pas beaucoup Bergson. Bergson disait qu'il fallait penser en homme d'action et agir en homme de pensée. Ils ont fonctionné comme ça, ces deux-là. Et ils ont produit une œuvre, une vie, une pensée, et ils ont fourni au communisme, je dirais, une occasion d'être une pensée libre, autonome, indépendante. Les deux ont souhaité dissocier le Parti communiste français du Parti communiste d'Union soviétique. Il y avait un désir pour ces intellectuels, pour ces philosophes, de penser la chose à partir de la France, pas pour des raisons cocardières ou nationalistes, mais simplement en pensant que peut-être la formule soviétique procédait de Lénine, d'une lecture particulière, d'un pays particulier, et qu'une formule française pouvait exister en France. Les deux morts brutales de ces deux-là, l'un exécuté au Mont-Valérien et l'autre victime d'une balle perdue, empêcheront que le Parti communiste puisse être un parti libre, autonome, indépendant, créatif, créateur ou inventif. Ça n'aura pas eu lieu. Je voudrais finir en rapprochant et en raccrochant ces deux personnages-là. Nizan et Pulitzer étaient amis, c'était des couples amis aussi. Les deux épouses se connaissaient et ils ont des histoires en commun. Nizan et Pulitzer avaient lancé en mars 1924 Les Philosophes, cette revue qui permettait à Friedman, Guterman, Lefebvre et Morange de se retrouver dans une communauté de pensée. Il faut savoir aussi que le Parti communiste se cherche, ne s'est pas encore véritablement trouvé. C'est pourquoi on peut aussi se demander comment les choses se sont passées au moment du pacte germano-soviétique. Certains ont quitté le parti, d'autres sont restés en gardant leur esprit critique, d'autres sont restés en abandonnant totalement leur esprit critique. Et évidemment, le Parti communiste a écrit l'histoire de sa légende. C'est plus compliqué que ça quand on s'en va voir du côté de ce que furent les militants réellement. En mai 1926 et en janvier 1927, les deux participent à L'Esprit, une nouvelle revue, deux numéros seulement. C'est pour vous dire que quand les revues naissent, c'est aussi pour penser, pour réfléchir, pour permettre à des amis de débattre. Janvier 1927, dans une lettre à Rirette, son épouse, il parle d'une mystique bolchévique et dit y souscrire. C'est intéressant parce que là aussi, on a un oxymore. Le bolchévisme semble une philosophie matérialiste, dialectique, sûrement pas une mystique. On sait que Peggy a pensé la question de la mystique et de la politique réunies. C'est intéressant de dire qu'il y a une mystique quand on ne croit pas en Dieu. Ça veut dire effectivement qu'il y a une transcendance, qu'on trouve une transcendance, qu'on la cherche et qu'on peut la trouver. Et on peut imaginer en effet que Nizan a cherché la transcendance dans cette philosophie de l'immanence, que peut-être c'était peine perdue. Mais à cette époque, après tout, on peut imaginer qu'il aurait pu réussir, lui et quelques autres, à insuffler un peu de transcendance dans cette philosophie d'une radicalité immanente. En 1927, il entre au Parti communiste, Paul Nizan, il a 22 ans. Pulitzer lui était entré en 1930, à 24 ans, après avoir adhéré au Parti communiste hongrois en 1919. Et en 1929, donc, il crée la revue marxiste. Là encore, c'est une occasion de penser le marxisme. D'abord, on n'a pas traduit Marx. C'est toujours un auteur que ne peuvent lire que ceux qui connaissent l'allemand. Et Politzer connaît l'allemand, traduit l'allemand. L'œuvre est importante, c'est abondant. Qu'est-ce qu'on peut choisir dans Marx quand on n'a pas tout lu ? C'est pas la même chose de traduire Le Capital, Le Manifeste, ou La Sainte Famille, ou des textes un peu techniques, ou alors des textes de jeunesse. On ne dit pas la même chose. On ne va pas chercher le même Marx. D'où l'intérêt de savoir ce qu'on va prélever dans cette œuvre complète, inédite, mal connue et pas traduite. Ces deux amis se lisent, ils parlent, ils discutent, ils débattent, et notamment à propos de Bergson. Vous savez que Politzer a écrit ce fameux texte, on en a parlé, « Le bergsonisme, la fin d'une parade philosophique ». Eh bien, Nizan rend compte de l'ouvrage de son ami, en 1929, pour une revue qui s'appelle « Les Revues ». Nizan nous dit, il s'agit de Bergson, hein, il parle de Bergson, « cette fausse sagesse qui doit enfin se montrer telle qu'elle est, une philosophie de porteur de dividendes ». Lui aussi, il n'aime pas la finance. Il analyse le texte de Politzer et dit bien ce qui se passe dans ce texte-là. Je vous rappelle, Politzer reproche à Bergson d'avoir annoncé un retour au concret et de ne pas avoir tenu cette promesse-là du retour au concret. Au lieu de ce retour au concret, Bergson a au contraire inventé des abstractions nouvelles, substitué des abstractions nouvelles. Et il parle de la vie insaisissable, il parle de la durée mouvante, il parle du schéma dynamique, de l'élan vital. Et évidemment, on a l'impression, quand on lit des textes comme cela, qu'on s'éloigne du réel, qu'on s'éloigne du concret et qu'on ne va pas le chercher, alors que c'était la promesse faite par Bergson. Politzer pense, et Nizan souscrit, que le bergsonisme est une espèce de réaction à l'idéalisme offensé par Marx. Marx, effectivement, est un philosophe matérialiste. Il nous dit que, de manière assez simple et sommaire, qu'il y a deux grandes façons de faire de la philosophie, l'idéalisme, le matérialisme, et que le matérialisme dialectique hérite des matérialistes de l'histoire, ou dans l'histoire, dont évidemment les premiers, les matérialistes de l'Antiquité, on en a parlé, Leucippe, Démocrite, Épicure et Lucrèce. Eh bien, Marx nous dit que l'idéalisme, c'est fini, c'est terminé. On ne peut plus aujourd'hui considérer que l'esprit aurait une vie indépendante et autonome, qu'il y aurait une âme immatérielle, que la vérité du monde serait plus dans les idées que dans le concret. C'est terminé le modèle platonicien ou le schéma platonicien qui oppose le sensible et l'intelligible en déconsidérant le sensible et en considérant l'intelligible comme la seule vérité qui soit. Tout ça, c'est terminé, nous dit Marx. Eh bien, Politzer et Nizan pensent que Bergson, ça n'est jamais que le retour de l'offense ou le retour du refoulé. Bergson revient à la charge au nom de l'idéalisme. Ce n'est pas complètement faux, mais il ne faut pas non plus imaginer que Marx en avait totalement fini avec l'idéalisme. Il sert les intérêts de la bourgeoisie, nous disent Nizan et Politzer, avec les phrases dont ils sont capables. Nizan écrit « Il a été le sergent recruteur du christianisme, où vont finalement se réfugier tous les traîtres ». Et puis, il reprend aussi cette idée intéressante qu'il n'y aurait pas des textes philosophiques chez Bergson et des textes qui ne le seraient pas, notamment les textes sur la guerre, parce que les textes sur la guerre, différentes interventions dans des académies ou des instituts, ces textes sur la guerre sont aussi des textes philosophiques. Ce ne sont pas les marges de l'œuvre, c'est peut-être même l'épicentre de l'œuvre. Ou alors c'est la marge qui renseigne vraiment sur l'épicentre. Et dans ces textes, bref, textes où Bergson oppose le génie français, avec Descartes, et on va y arriver, à la barbarie allemande, avec Hegel ou Heidegger, eh bien effectivement, il est dans une logique philosophique, politique, de combat, et pas dans une logique marginale. Et puis, après avoir rappelé ce qu'on trouve dans cet ouvrage-là, un ouvrage qui est signé à Rouet, je vous le rappelle, et pas Politzer, c'est-à-dire que c'est le pseudonyme, c'était le nom de Voltaire. Et à ce moment-là, il passe à la critique de cette critique. Et il nous dit, Nizan, qui est l'ami de Politzer, que Politzer ne va pas assez loin dans son analyse du bergsonisme, qu'il s'arrête en route. Il écrit « Il y a des travaux où l'on ne doit pas être sommaire ». C'est son copain tout de même. Donc il lui dit « Il faut être radical au sens de Marx ». Et Marx disait, le radicalisme, c'est pas compliqué, c'est prendre les choses à la racine. Et selon Nizan, Politzer n'aurait pas pris Bergson à la racine, il aurait fallu aller plus loin, ce que Politzer donc n'aurait pas fait. Pour une raison bien simple, c'est que finalement il a des dons de plume, des talents de plume, Politzer, et qu'il a un talent de pamphlétaire aussi, et de fait, il y a quelques formules assez violentes et agressives. Et Nizan nous dit que le problème n'est pas de séduire, mais de convaincre. Donc le texte plaît trop. C'est parce qu'il plaît qu'il n'analyse pas assez. C'est parce qu'il séduit qu'il ne va pas assez en profondeur. C'est parce qu'il amuse, c'est parce qu'il peut faire sourire ou rire que finalement il n'entrera pas dans la profondeur de cette pensée dangereuse parce que bourgeoise, capitaliste, belliciste, etc. etc. Nisan écrit de son ami Politzer, « Arouet doit se méfier d'être trop habile ». Donc quand vous lisez ce petit texte, parce que là je développe, mais c'est un bref compte-rendu, c'est un petit texte dans un journal, eh bien, Nisan nous dit de Politzer qu'il est sommaire, incomplet, inachevé et trop habile. On aurait pu imaginer qu'ils se soient fâchés. Ça n'a pas eu lieu. Ils sont restés amis jusqu'au bout. L'amitié résiste. Ils vivent, Nisan et sa femme, dans la maison des parents de Rirette, près de Saint-Germain-en-Laye, à Grandchamp, dans une belle maison, d'ailleurs, dont l'architecture est de Franz Jourdain, qui est le concepteur de la Samaritaine. Et Nisan, révolutionnaire, vit chez ses beaux-parents. Et c'est dans cette maison-là qu'il écrira la plupart de ses ouvrages. Les femmes font la vaisselle, les hommes parlent politique. On a beau être communiste, mais c'est quand même comme ça que les choses se passent. Et c'est pendant que les hommes refont le monde qu'ils décident, Michel Politzer avait raconté l'histoire, de massacrer les 24 pièces du service en porcelaine de la belle-mère qui surgit et sauve le carafon. On connaît désormais l'histoire. Plus sérieusement, encore que ces choses-là soient sérieuses, je pense que la biographie renseigne autant sur l'œuvre que l'œuvre elle-même. Il y a un texte intéressant, deux petits textes, parce que même ce dont je viens de vous parler procède de quelques pages. Ce sont vraiment des petits fragments qui me paraissent essentiels dans l'économie de la pensée du personnage. Et il s'agit pour le coup d'Heidegger, et puis après de Descartes. Et c'est donc un schéma qu'on a déjà vu fonctionner chez Nisan, contre Heidegger et pour Descartes. Contre Heidegger, c'est assez juste, c'est-à-dire qu'il ne force pas le trait. Ce qui est dit de Heidegger chez Politzer et chez Nisan est juste. Pour Descartes, c'est très différent. C'est très différent. Il y a un usage communiste, voire bolchevique, de Descartes qui est très fautif. On fabrique une légende et on ne prend pas en considération ce que fut l'œuvre totale, entière, de Descartes. Sur Heidegger, c'est dans le numéro 1 de l'étudiant d'avant-garde, en janvier 1933, dans un article intitulé « Les tendances actuelles de la philosophie », que Nisan parle de Heidegger, janvier 1933. C'est-à-dire que, évidemment, « Être et temps » est paru, 24, je crois, et on peut le lire indépendamment du nazisme, mais Hitler vient d'arriver au pouvoir, et Nisan voit bien la corrélation qui existe entre la phénoménologie de Martin Heidegger et les idéaux, ou l'idéal, ou la pensée, ou la vision du monde national-socialiste. C'est une corrélation qui me paraît évidente. Elle ne paraît pas évidente aux Heideggeriens d'aujourd'hui, et pour cause. Mais Nisan avait très bien vu les choses à cette époque-là. Peut-être parfois en y parvenant avec des méthodes singulières, c'est-à-dire « dis-moi qui est ton ami et je te dirai qui tu es ». C'est en voyant que Kierkegaard peut être une source de Heidegger que Nisan critique Heidegger, sous-entendu. Et Kierkegaard, c'est un protestant, c'est un défenseur de l'irrationnel. L'irrationnel, c'est donc le déraisonnable. Il faut tabler sur la raison. Donc, c'est une mauvaise fréquentation que celle de Heidegger. Il aime Kierkegaard et Kierkegaard n'est pas défendable dans l'esprit de Nisan. Kierkegaard, c'est également le personnage qui critique la dialectique de Hegel. On a eu l'occasion de voir. Et on le reverra avec la critique qu'en fait Camus, mais que la dialectique hegelienne, elle est un grand moment dans l'histoire du Parti communiste français, puisque c'est ce qui permet de justifier toute négativité. La dialectique, elle permet de dire que s'il y a un moment de négativité, c'est pour préparer une positivité, qu'il ne faut pas rester le nez sur la réalité du moment, et que ce qui est intéressant, c'est le trajet, le mouvement de l'histoire, le développement de la raison dans l'histoire. Pour le dire moins concrètement et moins philosophiquement, s'il y a des camps de concentration soviétiques, s'il y a un goulag, ça n'est jamais qu'un moment dans un mouvement. Sous-entendu, il y a un goulag, mais c'est pour la liberté, la raison, le progrès, l'humanité, le prolétariat, le communisme, le socialisme, etc. etc. Donc évidemment, la critique que Kierkegaard fait de la dialectique hegelienne ne peut que conduire Heidegger, du moins dans l'esprit de Nisan, du côté du fascisme, qui lui ne fait pas usage de la dialectique hegelienne, ne fait pas usage de la raison, et fait même appel, souvenez-vous, Politzer, fait même appel plutôt au déraisonnable, à l'instinct, à l'intuition, à tout ce qu'on retrouve chez Bergson. Dans ce texte-là, il parle à un moment donné de Sein und Gut, c'est-à-dire l'être et le bon, le bien, alors que c'est Sein und Zeit, c'est l'être et le temps, être et temps, le texte de Heidegger. Donc, je ne sais pas si la faute incombe à Nisan lui-même ou aux éditeurs de l'époque, ou aux éditeurs qui ont repris le texte. J'ai pas pu accéder au texte de l'époque, j'ai accédé au texte des éditions sociales des années 70. Donc il y a cette petite erreur qui est assez singulière, mais il dit une chose qu'il est important de dire à cette époque-là, à savoir Heidegger a été fait recteur de l'université nazie, il dit, par les chefs de bande nationaux socialistes. Ce n'est pas inintéressant de savoir que ce philosophe qui est au bac philo à cette époque-là, eh bien, est recteur de l'Académie nationale socialiste. Heidegger semble nouveau, vocabulaire, concept, présentation de cette vision du monde, en fait, ça reste une vieille chose. Déjà, ce qu'on nous sert depuis toujours, à savoir une philosophie au service du capital, du capitalisme et de la bourgeoisie. L'année d'avant, 1933, dans un texte qui s'appelle « Sur un certain front unique » dans le numéro d'Europe, Nisan écrit « La philosophie de M. Heidegger peut fournir des justifications théoriques à une doctrine fasciste ». On n'entrera pas dans le détail, parce que c'est un cours à soi seul, mais effectivement, l'être pour la mort, la question de l'angoisse, la question de la critique de la technique, la question de l'oubli de l'être, cette idée que la décadence ne viendrait que parce que nous aurions oublié l'être et que nous nous serions contentés de l'étant, c'est-à-dire des réalités les plus immanentes. Donc il nous faudrait en gros renoncer à cette présence au monde au profit d'une contemplation de l'être et qui nous permettrait pour le coup d'être en symbiose avec la nature. Et on a évidemment une idéologie du sol, du sang, de la race qui peut poindre dans une philosophie comme celle-ci. On pourrait développer, mais d'autres l'ont fait. Je vous parlais de Faye notamment, du beau travail de Faye. Nisan a critiqué Heidegger 6 années avant Politzer. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que c'est Politzer qui a regardé par-dessus l'épaule de Nisan, puisque Les philosophes et les mythes de Politzer datent d'avril-juin 1939, un texte qui a été publié dans La Pensée, le journal, la revue communiste. Donc il y a une négativité. C'est Heidegger, la phénoménologie heideggerienne, et cette pensée-là qui est une pensée nazie. Il y a une positivité à mettre en face, c'est Descartes. C'est Descartes et le cartésianisme. Et une fois encore, Nisan et Politzer se retrouvent pour cet éloge-là. Ils sont d'accord sur Heidegger, ils sont d'accord également sur Descartes. 1937, c'est la date de célébration de l'anniversaire du 300e anniversaire donc, du discours de la méthode. Donc il s'agit de faire de ce livre le livre emblématique de Descartes, en oubliant qu'il aurait écrit d'autres choses. Il s'agit de montrer que c'est un grand ouvrage emblématique dans l'histoire de la pensée, mais aussi dans la généalogie du matérialisme dialectique. C'est-à-dire que Descartes est grand parce qu'il rend possible, à un moment donné de l'histoire de la pensée, le matérialisme dialectique. Dans l'Humanité, du 22 mai 1937, il écrit un petit texte donc, qui rend hommage au discours de la méthode. Et il écrit que le discours est plus important que l'éthique de Spinoza, plus important également que la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. Deux ouvrages majeurs, lourds, qui ont produit des effets aussi, mais peut-être, il ne donne pas le détail, mais peut-être effectivement peut-on imaginer que sans Descartes, il n'y aurait pas eu Spinoza, ça paraît clair, que sans Spinoza, il n'y aurait peut-être pas eu non plus Kant, et que chronologiquement, à l'évidence, c'est Descartes qui rend possible ces deux autres-là, et ce qui suivra du spinozisme et du kantisme, c'est-à-dire le matérialisme français du XVIIIe siècle, puis évidemment le matérialisme dialectique et la révolution soviétique. C'est ainsi que Nisan fait l'histoire de la philosophie, l'histoire de la pensée. Son historiographie, elle est la suivante. J'ai eu l'occasion déjà de vous dire plein de fois qu'on ne faisait jamais d'historiographie, qu'on vous disait une bonne fois pour toutes que l'histoire c'était ça, mais qu'on ne s'était jamais demandé comment l'histoire était écrite, l'histoire de la philosophie. Pourquoi y a-t-il des philosophes mineurs? Pourquoi y a-t-il des philosophes majeurs? Pourquoi certains sont-ils au programme? Pourquoi d'autres ne le sont-ils pas? Évidemment, ce ne sont jamais des questions qu'on pose. Nisan posait ces questions-là, Politzer les posait aussi avant lui, et de fait, il y a un usage idéologique et politique de ces références philosophiques, Heidegger et Descartes, mais comme tout le monde, sauf qu'eux le disent. C'est-à-dire qu'il y a un usage idéologique de ces pensées-là parce qu'il s'agit de combattre un autre usage idéologique d'autres pensées qui sont les pensées, par exemple, de Bergson ou les pensées de Kant, du kantisme et du spiritualisme ou de l'idéalisme. Nizan nous dit Descartes, c'est le plus méconnu des philosophes français. Et c'est pas faux, il a organisé aussi sa discrétion, il est mystérieux, il est plein de précautions, il a une prudence exagérée, il se cache, il est exilé aux Pays-Bas, il a le goût du secret, il a une devise qui est « je m'avance masqué ». Et on peut comprendre cette prudence. Il y a des gens courageux, il y a des gens qui n'ont peur de rien, et puis il y a aussi des gens qui savent qu'il y a du danger à penser librement, et à penser en dehors des clous chrétiens. Il faut dire que Galilée a été condamné en 1633 pour des thèses qui sont quand même pas ultra-révolutionnaires. Il n'a pas dit que Dieu n'existait pas, ou que Dieu était une fiction, ou que le christianisme était à détruire. Il a juste dit que l'hypothèse induite de la Bible du géocentrisme, c'est-à-dire la Terre est au centre du monde puisque c'est Dieu qui l'a créée, eh bien cette hypothèse était fausse, et que la vérité constatable par des calculs astronomiques, c'était que c'était le Soleil qui était au centre du monde, au centre de notre univers. Et à partir de cela, il a eu les pires difficultés avec l'Église. Ça a duré des années jusqu'à cette condamnation de 1633. Donc évidemment, quand vous risquez la prison à vie, quand vous risquez même le bûcher, en 1600, Giordano Bruno est brûlé sur le Campo dei Fiori à Rome, on peut comprendre que, philosophe, vous soyez prudent. Donc effectivement, il y a une prudence chez Descartes, mais c'est une prudence qui va au-delà de cette histoire politique. C'est aussi une constitution personnelle, je vais vous en dire deux mots. On construit ensuite une légende, l'esprit cartésien des Français. Nous serions, nous, Français cartésiens, c'est-à-dire la logique, la clarté, la déduction, la réflexion, etc. Pas la peine de constater, de faire de grands développements pour constater que nous ne sommes pas si cartésiens que ça, et c'est peut-être notre désir que nous signifions par Descartes plutôt que notre vérité. On se sert de Descartes, et on l'a vu avec Bergson, pour en faire une espèce de fer de lance français. On décore Descartes en personnage emblématique en disant « voilà, il est la raison cartésienne française ». Et il sert à mener le combat contre la barbarie, évidemment nazie, mais ça devient très rapidement la barbarie allemande. Le discours est un grand livre, nous dit Nizan, et il dit « il est quelque chose de plus que l'éthique, de Spinoza donc, hein, parce qu'il est le manifeste historique de l'intelligence bourgeoise, comme la somme de saint Thomas avait été le manifeste de l'intelligence féodale, comme les images de Marx devaient être le manifeste de l'intelligence prolétarienne ». Donc vous voyez comment l'histoire s'écrit. Le discours est important parce que c'est le manifeste historique de l'intelligence bourgeoise. La somme théologique en amont était le manifeste de l'intelligence féodale. Et en aval, Marx, lui, propose le manifeste de l'intelligence prolétarienne. Il y aurait donc un mouvement, saint Thomas, Descartes et Marx, avec une émancipation évidente. Nous aurions la scolastique du Moyen-Âge, nous aurions le personnage qui fait exploser la scolastique du Moyen-Âge, et puis après explosion, Marx qui permettrait une nouvelle pensée, une nouvelle philosophie. Dans cet article de l'Humanité, on a vraiment l'impression d'un portrait réaliste-socialiste de Descartes. Et Camus dit que le réalisme socialiste ne propose pas la réalité, il n'est pas réaliste, le réalisme socialiste, mais qu'il propose un idéal. Et que les ouvriers, les travailleurs, les prolétaires, les paysans n'ont jamais été tels que les images les ont représentés dans le réalisme socialiste. C'est-à-dire qu'on les sublime, on les magnifie, on fait des espèces d'idéaux, comme d'ailleurs Arnaud Brecker sublime les corps pour le national-socialisme. Donc il y a une espèce de portrait de Descartes qui est un portrait réaliste socialiste, et Nizan va chercher dans la biographie de Descartes. Il nous dit il était hardi, généreux et audacieux. Donc on nous présente un chevalier. C'est pas très exactement ce que dit l'œuvre si on se souvient qu'il y a un moment essentiel dans la philosophie de Descartes qui est ce qu'il appelle la morale par provision ou la morale provisoire. C'est-à-dire Descartes, très inspiré par Pyrrhon, le pyrrhonisme, le scepticisme, dit qu'il faut faire table rase, mais pas de tout quand même, et il épargne la religion de son roi et de sa nourrice, j'ai eu l'occasion d'en parler, c'est-à-dire, en gros, on épargne la forme politique, la monarchie, et son allié objectif, la religion catholique. Donc on doute de tout, mais sauf peut-être de l'essentiel. C'est-à-dire que Descartes est probablement hardi, mais pas sur le terrain politique. Sur le terrain, d'ailleurs, il n'y a pas de politique à proprement parler de Descartes dans l'œuvre complète. Sur le terrain ontologique, oui, il y a un certain type de hardiesse ontologique. Il s'agit de penser l'être indépendamment de Dieu. En ce sens, effectivement, il est audacieux. Nizan ajoute qu'on ne peut pas utiliser Descartes pour justifier la guerre. 1937, donc on sait qu'on est dans une période de montée des périls, il y a des fascismes, ça fait un certain temps, que 4 ans que Hitler est au pouvoir, il réarme, et quand on fait fonctionner les usines d'armement, c'est pour se servir des armes. Pas besoin d'être grand clair pour savoir que si on fabrique des tanks, des avions, c'est pour se servir un jour de ces tanks et de ces avions, pas seulement pour faire des parades militaires. Donc on sent bien, enfin, d'aucuns ont bien senti à cette époque-là, effectivement, la montée des périls, la guerre qui s'annonce. Eh bien, Descartes ne peut pas justifier la guerre. Et alors, l'argument est un peu court pour un normalien ou pour un philosophe, mais pas pour un journaliste, je dirais. Mais il nous dit, le journaliste qu'il est et qu'il se fait, le journaliste militant dans l'humanité, il nous dit que pour s'apercevoir que Descartes ne peut pas être utilisé comme un va-t-en-guerre, il suffit de regarder le portrait qu'en donne Franz Hals. Et moi, j'aime bien, je trouve très bien qu'on puisse demander à la peinture des renseignements sur les philosophes, et il y a une peinture philosophique, 1000 choses sont dites dans la peinture, et qui méritent d'être analysées, mais ce portrait de Descartes, que vous connaissez pour l'avoir vu plein de fois, c'est un Descartes austère, avec un col blanc, un vêtement noir sur un fond noir, vous avez juste le visage, mais ce qui est intéressant, c'est le fond noir. C'est-à-dire que la subjectivité du personnage, elle ressort sur une espèce de noir de charbon qui serait une espèce de néant. C'est un peu comme ça, me semble-t-il, qu'il faudrait lire la toile de Franz Hals, c'est-à-dire le cosmos est une espèce de chose effrayante. Les fameux espaces infinis qui effraient Pascal. Et sortant de ce néant signifié par la couleur noire par Franz Hals, eh bien, vous avez le visage subjectif d'un philosophe qui invente la subjectivité, l'individualité, avec son cogito. Ce personnage qui dit « je pense donc je suis », qui s'affirme comme une subjectivité et dit qu'on peut douter de beaucoup de choses, sauf la religion, etc., etc., mais on peut douter de beaucoup de choses, mais sûrement pas du fait que quand on pense, on est. Donc la pensée est la preuve de l'être, et on a la première vérité à partir de laquelle on peut construire une ontologie, une métaphysique et une vision du monde. Ce que Nizan ne dit pas de ce portrait, enfin ce que je viens de vous dire est une interprétation personnelle et pas une interprétation de Nizan, mais il nous dit, lui, que ce portrait nous donne des informations importantes. Ses yeux enfoncés, ce front obstiné, ses lèvres amères, nous dit-il, eh bien voilà ce qui nous permet de voir que Descartes n'aurait jamais pu être utilisé pour justifier la guerre. C'est un petit peu court, évidemment. Il utilise une autre, comme démonstration, il utilise une autre assertion plutôt qu'une autre démonstration. Il nous dit, l'homme était, il parle de Descartes, hein, l'homme était hardi comme sa pensée. Ses biographes racontent comment Descartes, menacé par les bateliers qui l'emmenaient, les teint en respect par sa contenance, bien qu'il fût seul. Donc vous voyez le tableau, imaginez effectivement cette image-là, ça peut faire une espèce de grande fresque réaliste socialiste à l'entrée d'une université de Moscou. Il était hardi physiquement, personnellement, donc sa pensée l'était. C'est un glissement un peu rapide. Et ses biographes, nous dit-il, racontent comment, il menacé par des bateliers, il l'éteint en respect par sa contenance. C'est donc sa contenance. Il en impose, d'une certaine manière, il en impose tellement que des gens qui ont décidé de lui faire la peau s'empêchent de le faire parce qu'il a une espèce d'aura. Les choses ne se sont pas passées comme ça. Vous avez une première biographie, il y en a eu d'autres depuis, mais toutes pillent la biographie Princeps de Bayet. Adrien Bayet écrit une vie de M. Descartes en 1691. Et si vous lisez cette biographie, eh bien vous avez une autre version. Descartes nous dit Bayet, pour cette histoire de fameux aura, là, ouvrez les guillemets, tira l'épée d'une fierté imprévue, leur parla en leur langue d'un ton qui les saisit et les menaça de les percer s'ils osaient lui faire insulte. Donc effectivement, d'un côté, version légendaire, vous avez un personnage qui impressionne tellement que par sa simple présence, les gens qui ont décidé de lui couper la bourse passent leur chemin. Et puis Bayet qui nous dit que d'abord, il faut quand même tirer l'épée d'une manière imprévue, leur parler dans leur propre langue, avec le ton qui les saisit, les menacer de les transpercer, donc pour obtenir ce que Nizan nous dit qu'il obtint uniquement par son aura. Quant aux Descartes antimilitaristes, ça ne tient pas la route non plus. Si on lit également la biographie de Bayet, Bayet nous dit « Descartes fut un soldat, un sage militant ». Non, ça c'est Nizan qui le dit. « Descartes fut un soldat, un sage militant, encore qu'il méprisa la guerre et la carrière des armes où il avait passé quelque temps ». Là, si on reprend la biographie, en avril 1619, il est impatient d'aller au combat contre les États de Bohême. Il s'est engagé du côté du duc de Bavière. À Beckham, il écrit une lettre le 23 avril 1619 et il craint, alors qu'il s'en va sur le front, il craint de trouver sur place, ouvrez les guillemets, beaucoup d'hommes en armes, mais pas de combat, et ça le désespère. En mars 1621, il reprend du service pour le comte de Bucquoy et, dit-on, se fait remarquer au combat. Adrien Bayet conclut, il aimait véritablement la guerre à cet âge. Alors c'est par la suite qu'il en fera une analyse dans son traité des passions, où il expliquera, sans pour autant être un antimilitariste, sans pour autant être un personnage dont on pourrait faire un antimilitariste, il nous dira effectivement que la guerre est un effet des passions funestes, ce qui deviendra les passions tristes un petit peu plus tard chez Spinoza. Mais on voit bien que Descartes peut très bien être enrôlé sous la bannière franco-française, et contrairement à ce que nous dit de la guerre et des guerriers, contrairement à ce que nous dit Nizan. Il nous propose d'une certaine manière un Descartes soviétique. Il écrit « Le discours de la méthode est le livre par lequel la jeune intelligence bourgeoise arrive à une pleine conscience de son existence et de ses moyens ». D'accord, il y a eu Kepler, il y a eu Galilée, c'est-à-dire des scientifiques qui, eux, ont rendu possible une méthode particulière, une méthode qui ne soit ni théologique, encore que méthode théologique, ça s'oppose un peu, mais enfin, une méthode scientifique qui dispense d'aborder les choses de manière théologique. Mais c'est Descartes, dit-il, qui abolit la scolastique. On pourrait aussi considérer que Montaigne existe avant, qu'il y a aussi Érasme, enfin, bon, on ne va pas le chipoter là-dessus, mais Descartes aurait donc aboli la scolastique et imposé les règles d'une méthode scientifique en dehors de la religion. L'entendement devient donc la clé de voûte de l'édifice philosophique. Il montre donc la voie. Il y a chez Nizan une envie que Descartes ressemble au portrait qu'il fait, bien sûr. Il veut nous faire un portrait réaliste socialiste, voire néo-bolchévique, ou proto plutôt bolchévique de Descartes. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont un peu gênantes, et on voit comment fonctionne soit la mauvaise foi militante, soit le déni, parce que dans l'œuvre, évidemment, Dieu n'est pas au centre, mais il garantit la vérité. Il y a Dieu chez Descartes, il y a même des preuves de l'existence de Dieu. Descartes nous dit, si je vous dis Dieu, eh bien ça va dire quelque chose en vous, ça va résonner. Eh bien, si ça dit quelque chose en vous, c'est que Dieu lui-même a mis sa propre idée en vous. Et donc l'idée que Dieu dise quelque chose à ceux à qui on s'adresse, c'est bien la preuve qu'il y a un Dieu qui aurait mis son existence dans l'âme immatérielle des hommes. C'est la chose qui est rapidement dite, du moins rapidement résumée par moi, mais c'est ainsi que Descartes le fait savoir. Et Nizan n'a pas envie que les choses soient comme ça. Il a envie que Descartes soit athée. Il dit, Nizan, « La conviction formelle avec laquelle il le dit n'est pas véritablement convaincante ». Mais il le dit, tout de même, Descartes. Alors on peut toujours considérer que ce que dit quelqu'un, c'est pas ce qu'il pense véritablement parce qu'il a peur, parce qu'il a des craintes. Et de fait, il y a eu un livre qui par la suite a fait beaucoup de mal, un livre de Léo Strauss qui s'appelle « La persécution et l'art d'écrire », qui fait savoir, ce sont des discussions que j'ai régulièrement avec Robert Misrahi ou avec Séverine Offray, mais Léo Strauss nous dit « Spinoza était athée ». Et il avait juste peur qu'il lui arrive des histoires, et de fait, il en était arrivé, il a quand même pris un coup de couteau. Spinoza, donc, il était prudent, alors il dit Dieu ou la nature, mais en fait, Dieu, il n'y croit pas, et il n'y a que la nature chez lui. Je pense que Spinoza est un grand garçon, que s'il avait envie d'écrire la nature sans écrire Dieu, il n'aurait pas dit Dieu ou la nature. Donc le XVIIe siècle n'est pas un siècle athée. On a eu l'occasion d'en parler quand on a abordé cette année-là. C'est un siècle fidéiste, c'est un siècle qui commence à être déiste, mais qui donc est moins théiste, mais c'est sûrement pas un siècle athée. L'athée, c'est celui qui dit « Dieu n'existe pas, les choses sont simples ». Et le premier à l'avoir dit, c'est l'abbé Mélier, c'est Jean Mélier, au début du XVIIIe siècle. Ce sont des gens, les philosophes du XVIIe, on les a abordés, hein, souvenez-vous, avec Cyrano Bergerac, avec Lamotte Levaillé, avec Gassendi, ce sont des gens qui considèrent que Dieu existe, qu'on peut réfléchir sur les formes de Dieu ou sur les noms de Dieu, mais que Dieu existe. C'est évident, on n'en fait pas l'économie. Alors vous avez des panthéistes qui pensent que Dieu est identifiable à la nature, Spinoza, Cyrano de Bergerac. Vous avez des fidéistes, même un peu comme Montaigne, si on veut remonter un siècle plus tôt, mais qui nous disent que Dieu existe et puis qu'après tout, ça ne fait jamais la religion que prendre une forme historiquement donnée. On est catholique parce qu'on est en France, on serait luthérien si on était en Allemagne et on serait bouddhiste si on était en Asie. Mais il faut souscrire à cette religion-là, puisque c'est la religion de notre pays. Eh bien, il y a chez Descartes ce type de fidéisme, puisqu'il y a même quelque chose qui témoigne en ce sens, aussi raconté dans la vie de Descartes par Adrien Bayet. Descartes effectue un pèlerinage à Notre-Dame de Lorette en 1623. Donc il évacue la foi en disant, parce qu'il a absolument besoin de faire de Descartes un athée, un scientifique, un personnage qu'il revoit à la lumière des catégories, bien sûr, marxistes-léninistes, c'est-à-dire qu'il marxise d'une certaine manière son Descartes. Il en fait également l'inventeur de la modernité technologique, et on pourrait dire que 3 siècles en amont, il en fait le promoteur du programme industriel soviétique, et il y a effectivement une phrase qui rend possible ce genre d'usage. Descartes dit à un moment donné, dans son discours de la méthode, qu'il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature. Il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature. C'est dit philosophiquement très, très exactement ce que pense le christianisme. Il y a l'homme, il y a la nature, il y a Dieu, ce sont 3 instances séparées, et l'homme doit pouvoir user de la nature, s'en rendre comme maître et possesseur, c'est-à-dire éventuellement la dominer, l'exploiter. Mais il considère en disant que cette phrase-là, elle rend possible, effectivement, le génie industriel, la technologie, comme ça fonctionne en Union soviétique, puisque c'est la logique des grands barrages, des constructions, de chemins de fer, des grands bâtiments, ou ce genre de choses. Nizan écrit « À partir du moment où l'homme se conçoit clairement dans un rapport de combat avec la nature, comme conquérant, les temps modernes sont ouverts. » Alors, je vous disais qu'il corrigeait, Nizan, il corrige Descartes, parce que quand il trouve qu'il est croyant, qu'il est fidéiste, qu'il parle de temps en temps de Dieu, c'est parce qu'en fait, il est prudent, mais en fait, il est athée. Il nous dit la même chose sur son cogito. Je disais tout à l'heure, en faisant référence à la peinture de Franz Hals, que Descartes est effectivement quelqu'un qui, dans le noir du cosmos, obtient l'espèce de clarté du visage qui est le sien, et c'est-à-dire de la subjectivité et de l'individu et de l'individualité. C'est-à-dire que le cogito est construit sur des bases ontologiques. Il y a une méthode qui est scientifique, bien sûr, mais elle démarre sur l'être. On se demande ce qui peut être la première vérité, et on obtient cette première vérité en se disant qu'on peut douter de tout, sauf du fait qu'on pense, et le simple fait que nous pensions induit le fait que nous soyons. La conscience de notre pensée, c'est la preuve de l'existence de notre être, comme un individu séparé, comme une subjectivité. Nizan fait savoir que Descartes se trompe d'une certaine manière parce qu'il aurait dû fonder son cogito sur des bases matérialistes. On ne peut pas effectivement reprocher à Descartes d'avoir ignoré la médecine du XVIIIe siècle ou éventuellement la science du XIXe siècle ou encore moins les avancées du début du XXe siècle. Descartes, il est de son temps, il a déjà fait beaucoup, mais on ne peut pas lui faire le reproche d'avoir été de son temps. Ça paraît quand même problématique. Et il ajoute qu'il aurait fallu que Descartes mène un travail collectif. Et là aussi, c'est un personnage qui est resté seul et solitaire, qui n'a pas eu d'élèves, de disciples, qui n'a pas été universitaire au sens où on peut l'être à cette époque-là, qui n'a pas eu d'école, mais il aurait dû, nous dit Nizan. L'élan cartésien, écrit-il, s'est éteint dans la pensée bourgeoise, elle en est arrivée au temps des reniements, mais c'est un élan dont la pensée révolutionnaire peut enfin assumer l'héritage. Et puis, comme toujours, il y a une petite pointe autobiographique chez Nizan. On a eu l'occasion, souvenez-vous, de mettre en perspective l'espèce de dureté ontologique, ou dureté politique plutôt, la dureté politique qui est la sienne, et puis l'espèce de fragilité ontologique du personnage qui est terrorisé par la mort et qui ne veut pas mourir ou qui ne trouve pas de sens à une existence dans laquelle il faut mourir. Et il signale une toute petite chose en passant concernant Descartes. Et c'est intéressant de mettre en perspective avec cette petite citation, de mettre en perspective avec la biographie de Descartes, une biographie plutôt méconnue. Parce qu'effectivement, la légende a fait de Descartes ce grand philosophe français, inventeur de l'esprit cartésien, qui est l'esprit français, etc., etc., le cogito. Et on parle de ça, mais il y a quelque chose dont on ne parle pas. C'est pourtant le dernier Descartes. Et c'est ce dernier Descartes qui, s'il avait vécu, mais on ne va pas réécrire l'histoire de cette manière-là, mais s'il avait vécu, aurait probablement été encore plus sympathique aux yeux de Nisan, parce qu'il aurait été probablement plus matérialiste, plus concret, plus soucieux des faits induits dans la réalité, qu'il aurait laissé de côté l'ontologie, la métaphysique, au profit de la médecine. Voici l'histoire que je peux vous raconter sur ce sujet-là. Elle renvoie à une petite fille qu'il a eue, qui s'appelait Francine, avec la servante de son logeur en Hollande, Ellen Jans. Et évidemment, quand sa petite fille meurt, d'aucuns ont dit « il n'y a rien dans la correspondance de Descartes là-dessus ». C'est bien la preuve que c'est un personnage qui était sans âme, qui était sans cœur, qui était... C'est pas vrai. C'est très exactement l'inverse. C'est peut-être parce que la grande douleur est muette qu'on ne la signale pas à ses amis, parce que, par ailleurs, Descartes note la date de conception de l'enfant, dimanche 15 octobre 1634 à Amsterdam, sa naissance, le 19 juillet 1635. Elle est baptisée à l'église protestante sous un faux nom, qui est le prénom du père, en latin, René, fils de Joachim, et Descartes assure discrètement l'éducation de l'enfant. Quand l'enfant a 5 ans, il envisage de l'envoyer en France chez une parente pour parfaire son éducation, et l'enfant meurt en 3 jours d'une scarlatine, le 7 septembre 1640. Elle a 5 ans, la petite. Descartes se sentait vieux auprès de cet enfant-là, d'où l'intérêt de lire les correspondances pour essayer de penser mieux l'œuvre philosophique en tant que telle. Il se sentait vieux, il a 39 ans quand elle voit le jour, 44 quand elle meurt, et dans une lettre, Descartes parle de ses cheveux blancs. Et il dit à ce moment-là, à partir des cheveux blancs qu'il découvre sur sa tête, il dit qu'il ne veut plus étudier. Alors c'est une citation, qu'il ne veut plus étudier à autre chose qu'au moyen de les retarder. Voilà donc ce qui fait le dernier Descartes. C'est-à-dire Descartes se sent vieillissant, vieux, et il a envie de continuer à faire de la philosophie, bien sûr, mais ce qui l'intéresse, c'est de retarder l'heure de la mort, l'âge de la mort. Et on peut imaginer effectivement que ce Descartes-là intéresse le Paul Nisan qui était parti voir en Union soviétique si, dans ce pays où la révolution avait été faite, on avait toujours peur de la mort, toujours peur de mourir. Dans les dernières lignes de son discours, il nous dit que Descartes, qu'il veut consacrer le reste de ses jours à la médecine et qu'il veut chercher les moyens d'assurer concrètement le progrès. Nisan écrit, 2 points, Descartes rêve sans cesse au résultat d'un esprit qui s'applique à la prolongation de la vie humaine. Voilà pour la lecture qu'il donne de Descartes. C'est un petit texte qu'il donne à l'humanité pour fêter le tricentenaire du discours de la méthode, mais voyez la densité des informations données, voyez comment il utilise la biographie, l'œuvre, pour en faire un philosophe utilisable à des fins marxistes-léninistes. Donc on voit bien que Heidegger et Descartes constituent un couple très utile pour penser de manière communiste, c'est-à-dire d'un côté la philosophie bourgeoise, capitaliste, fasciste, national-socialiste, condamnable bien sûr, de l'autre côté la philosophie cartésienne, bergsonienne, spiritualiste, idéaliste, etc., etc., mais qui en même temps va rendre possible le matérialisme français du XVIIIe, le matérialisme dialectique, Marx, Lénine et Staline dont il fait l'éloge à cette époque-là. Pour en revenir à la vie de Nisan à cette époque-là. En 1937, il part 5 semaines en Espagne pour couvrir la guerre d'Espagne pour l'humanité. Donc, en 1938, son roman La Conspiration obtient le prix Interallié. En mars 1939, il publie Chronique de septembre. C'est un livre dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est une analyse parfois contournée, chantournée, pas toujours très simple ou très claire. D'abord, il faut bien connaître le détail de la vie politique du moment, mais c'est un livre dans lequel il analyse la situation en dehors de la ligne du parti, mais finement, intelligemment, comme je vous disais qu'il était capable d'entrelarder dans un livre comme Les matérialistes de l'Antiquité des considérations destinées à ceux du Parti communiste qui pourraient les lire ou les comprendre, eh bien, il en va de même dans cette chronique de septembre. Ça n'est pas un acte de foi marxiste-léniniste, ça n'est pas un acte de foi au Parti communiste français, mais c'est l'analyse d'un communiste libre qui fait ses lectures et ses propositions. Il n'est pas munichois, et Et le Parti communiste non plus, gloire lui soit rendue pour cette fois-ci, parce qu'effectivement, laisser libre, Hitler libre d'envahir la Tchécoslovaquie, ça n'était pas à l'époque la meilleure façon de préserver la paix. Et ce que souhaitait Nizan à cette époque-là, c'était un axe France-Angleterre, URSS pour sauver la paix. C'était sa proposition politique, diplomatique, en tant que communiste. Dans cette chronique, il se sépare du Parti communiste qui, lui, est plutôt directement aligné sur la position de l'Union soviétique et qui n'a pas de pensée propre, n'a pas de proposition propre. Il faudrait épouser tous les détails de la réflexion interne à cette époque-là. Ça, c'est un travail considérable et monumental. Mais de fait, il n'y a pas une ligne très claire. On attend les ordres et puis on s'aligne, tout simplement. Le pacte germano-soviétique est signé le 23 août 1939. Aragon applaudit, évidemment. Nizan est en Corse. Il apprend cette information-là donc en famille. Il rentre à Paris et dit-on, enfin c'est Rirette qui raconte l'information, il n'a pas dit un seul mot pendant tout le voyage, et se dirige vers le parti, directement le siège du Parti communiste, pour essayer de comprendre pourquoi l'Union soviétique a signé ce pacte avec l'Allemagne nazie et ce que va faire le Parti communiste français. Est-ce que le Parti communiste français va défendre, soutenir? Comment est-ce qu'il faut expliquer ces choses-là? Donc évidemment, il ne dit pas grand-chose. Il y aura quelques lettres qu'il enverra de l'endroit où il est mobilisé, Nizan, qui sont des lettres dans lesquelles il raconte sa pensée, c'est-à-dire il réfléchit, il doute, il va, il vient, il revient, il se demande, il examine, il essaie de comprendre. On voit une pensée qui se cherche, et qui ne s'est pas encore trouvée. Donc bien sûr, on peut toujours, en prélevant telle ou telle lettre, ou en prélevant dans telle ou telle lettre, telle ou telle phrase, lui faire dire des choses qu'il n'aura pas dites véritablement. Il est mobilisé et quand il a conclu sur ce sujet-là, il envoie sa lettre de démission à Jacques Duclos, le 25 septembre 1939. Et c'est très laconique, de point ouvrir les guillemets, « Je t'envoie ma démission du Parti communiste. Ma condition présente de soldat mobilisé m'interdit d'ajouter à ces lignes le moindre commentaire. » Donc il n'explique pas pourquoi, comment, de quelle manière, ce qui lui déplaît, pourquoi il s'en va, ce qui aurait été faisable, possible. Il ne dit rien d'autre que ça. Et on l'a vu, 3 mois de silence quand il arrive en Union soviétique. C'est un caractère particulier, c'est un tempérament rude. Il n'en dit pas plus à ce moment-là, il ne donne pas de détails. Simplement, il quitte le Parti communiste. Voilà pourquoi j'ai intégré cet homme dans cette année-là, dans cette année que j'ai placée sous le signe des réfractaires. C'est une conscience réfractaire. C'est quelqu'un qui aurait pu se taire, penser par-devers lui, ne pas en rajouter, obéir. C'est un peu ce que dira Sartre. Souvenez-vous, on en avait parlé dans la préface à Aden Arabi en disant qu'il aurait mieux fait de laisser faire. L'histoire lui aurait permis de faire un petit peu de résistance quand c'était plus trop gênant de rentrer dans la résistance, parce qu'on savait dans quel sens allait l'histoire. Et puis, à la libération, finalement, il aurait retrouvé tous ses amis, etc. C'était la proposition que Sartre fait, de manière très cynique. On imagine que c'est évidemment plutôt de lui qu'il parle dans cette aventure. Ça n'est pas le choix qu'aura fait Paul Nizan. Il fait très exactement le choix inverse. Quand vous lisez la biographie de Paul Nizan, la réaction de ses amis est terrible, d'une violence sans nom. Et il faut imaginer les persécutions, les anciens amis, les anciens copains, les gens qui se recevaient mutuellement, qui, du jour au lendemain, lui tournent le dos, ne lui parlent plus et commencent à l'insulter, à le traiter de tous les noms. À cette époque-là, l'antifascisme n'est plus d'actualité. Il y avait une doctrine antifasciste et puis d'un seul coup, ben, on s'associe au fascisme. Alors évidemment, il y a des militants qui sont un petit peu perdus. Et les militants qui, eux, n'obéissent pas aveuglément, je songe à Camus, on aura l'occasion d'en reparler, sont des gens, effectivement, qui laissent tomber le parti et veulent recouvrer leur conscience ou veulent conserver leur conscience. C'est le cas de Nizan dans cette aventure. Alors, la pensée de Nizan sur ce sujet-là est très subtile, c'est-à-dire que quand on lit les poignées de lettres échangées avec Rirette, on essaie de comprendre, et puis on ne comprend pas toujours, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est pas contre le pacte germano-soviétique en tant qu'il est signé par les soviétiques qui veulent sauver leur peau. Considère qu'après tout, si la patrie du socialisme réel veut sauver sa peau et utilise ce genre d'argument, Staline a probablement ses raisons, et qu'il ne va pas juger à partir de lui-même, de ce que l'Union soviétique devrait faire ou ne pas faire. Ce qu'il trouve inadmissible dans le pacte germano-soviétique, ce n'est pas qu'il ait eu lieu, c'est que le Parti communiste français l'ait soutenu. Donc le problème est plus subtil que la critique pure et simple du pacte germano-soviétique. Il pense effectivement que le Parti communiste aurait dû ne pas soutenir cette initiative du PC soviétique et donc, en ce sens, fabriquer un communisme français, produire une ligne typiquement française. Et c'est la position qui était celle de Nizan à cette époque-là. Il disait, souvenez-vous, dans son matérialisme de les matérialistes de l'Antiquité, il disait qu'il était, enfin il le disait à mots couverts, qu'il recherchait une autre forme de communisme. La pensée critique n'était pas facile à cette époque-là. Elle était impossible à exprimer. On ne pouvait pas, quand on était communiste, dire qu'on avait des divergences clairement ou nettement, parce que ne pas être totalement d'accord, ça supposait n'être d'accord sur rien d'un point de vue des instances. Donc il dit des choses en demi-teinte, et on voit bien que ce qui l'intéresse dans le communisme, c'est toujours, ce dont j'ai parlé tout à l'heure au début de la séance, c'est toujours cette mystique bolchevique. Cette mystique bolchevique. C'est pas le bolchevisme en tant que tel, c'est le bolchevisme en tant qu'il propose une mystique, c'est-à-dire une espèce de transcendance. C'est-à-dire ce que j'avais appelé l'autre fois une sotériologie, c'est-à-dire un art de sauver sa peau. Une possibilité d'en finir avec les angoisses existentielles. Ça n'est pas qu'une affaire économique, ça n'est pas qu'une affaire politique, ça n'est pas qu'une affaire d'infrastructure, le marxisme-léninisme. Ça devrait être, pour Nizan, une occasion de se penser différemment, de voir la vie sous un autre angle, d'envisager la mort d'une autre façon que sous un régime capitaliste. Il faut le salut personnel et la libération de l'homme. Ce qui l'intéresse, c'est moins un communisme stalinien, on dira, qu'un communisme rimbaldien, le communisme d'un Rimbaud, le communisme qui s'inspirerait d'un Rimbaud, même si d'aucuns nous disent, Pierre Gascard par exemple, que Rimbaud fut partie prenante de la Commune. Je dis rimbaldien parce que je renvoie évidemment cette formule célèbre de Rimbaud, « changer la vie ». Il s'agissait de changer la vie dans ce communisme-là, et il voit bien, Nizan, que l'occasion aurait pu être donnée par le pacte germano-soviétique au Parti communiste français de prendre un peu d'autonomie, de devenir un peu rimbaldien, de se soucier d'ontologie, de se soucier de pensée existentielle, pas existentialiste, mais une pensée existentielle, c'est-à-dire une dimension qui permettrait de dire à chacun, eh bien, vous avez trouvé une mystique, c'est-à-dire des raisons de vivre, des raisons d'être, des raisons de constituer des relations avec vos amis, puisqu'il renvoyait, souvenez-vous, à l'amitié épicurienne comme à une mécanique politique possible et pensable. La guerre est déclarée, il est mobilisé, comme il ne voit pas d'un œil, il est affecté au secrétariat du commandant d'Orléans, il souhaite devenir interprète, et il est admis à l'école d'Abbeville. Le 18 mai 1940, il est cantonné avec son régiment dans un château. L'aviation donne tous ses feux, l'artillerie tire de char, enfin c'est terrible. Il y a 40 hommes qui meurent dans son unité. Il est le 23 mai 1940 dans le château de la comtesse de Couette-Logon et une balle lui traverse la tête, une balle perdue. Enfin, on ne saura jamais ce qui s'est passé véritablement. Toujours est-il qu'on le retrouve mort dans le château de cette dame qui écrira de deux ou trois belles lettres à Rirette. Il est inhumé au cimetière d'Audruic deux jours plus tard. Il travaillait un roman, il a fait enterrer ce roman dans un endroit, et par la suite, après sa mort, on a cherché où avait été enterré le roman. En fait, l'endroit avait été tellement travaillé, détruit, massacré par les bombes, les tirs de mortier, d'obus, etc., qu'on n'a jamais retrouvé ce dernier roman qu'avait écrit Paul Nizan. Conclusion. Évidemment, le Parti communiste le présente à cette époque-là comme un traître, un vendu, un indicateur de police. Rirette nous dit que les deux jeunes enfants de Paul Nizan ont pris la plume pour écrire au Parti communiste en demandant ce qu'il en était, en demandant si leur père était vraiment un traître et pourquoi et comment. Jamais personne, évidemment, n'a répondu. Dans Les communistes, Aragon fait de Paul Nizan un traître emblématique. Ça devient un personnage, un héros, mettons ça entre guillemets, enfin un héros négatif de son roman. Torres, qui lui-même avait choisi la désertion en Union soviétique, a publié un article assassin le 21 mars 1940 pour insulter la mémoire de Paul Nizan. Il faut dire que c'est trois mois plus tard, que le Parti communiste français demande la reparution de l'humanité aux autorités d'occupation nazies en France, et que donc la politique de collaboration commence. Nizan est mort parce qu'il ne souhaitait pas cette politique-là. L'EPC demande la réparation de l'humanité, demande la légalisation du parti avec un argument extrêmement simple. On a retrouvé des notes sur les gens qui négociaient à cette époque-là et qui ont été arrêtés par la police de Vichy. Nazis et communistes avaient des ennemis communs, les juifs, les capitalistes, les anglais, la ploutocratie, le parlementarisme, etc. Nizan est mort. Évidemment, c'est un philosophe en devenir. 35 ans, c'est le début d'une vie. Vous voyez qu'on a pu passer 4 séances denses, me semble-t-il, d'un point de vue de la pensée, de la réflexion, sur ce seul personnage, qui, comme Polidère, est mort très tôt, très jeune, et on a l'impression qu'ils avaient tout lu de ce qu'il fallait lire, qui était plein de santé, plein de force, plein de détermination, qui était des potentialités extraordinaires pour l'intelligence de la France, qui étaient des potentialités extraordinaires aussi pour l'intelligence du Parti communiste français, dont je distingue toujours les militants des instances dirigeantes. Il y avait chez les militants, effectivement, une foi, une ferveur indéniable, une bonne volonté extraordinaire, un désir de changer la vie, un désir de fraternité, de solidarité, qui a été extraordinaire, magnifique, et gâché par les instances dirigeantes. Quand j'ai regardé les dates, quand j'ai comparé les dates, je me suis aperçu que Jean-Paul Sartre, lui, allait vivre, et bien sûr, et qu'il vivra un peu plus que la vie de Nizan et la vie de Politzer ajoutées l'une à l'autre. Ça laissait largement le temps pour Jean-Paul Sartre de faire le siècle à sa main. On verra dans les séances suivantes que Camus lui a causé quelques soucis. On verra aussi comment Simone de Beauvoir s'est inscrite dans cette perspective-là, c'est-à-dire un siècle philosophique français où il y eut, et c'est fort heureux, des consciences réfractaires. Merci beaucoup. Alors, de Paul Nizan, deux ouvrages pour une nouvelle culture, qui est un recueil d'articles, parce que cette séance, je l'ai faite à partir de trois articles de Nizan seulement, pour une nouvelle culture. Ce sont des choix de textes qui avaient été à l'époque réunis et présentés par Suzanne Suleiman aux éditions Grasset. Du même Nizan, ces fameuses chroniques de septembre, publiées chez Gallimard, avec une préface d'Olivier Todd, mon ami. Cette biographie d'Adrien Baillet, vie de Monsieur Descartes, la petite collection Vermilion de la Table Ronde. C'est très intéressant d'avoir cette première biographie et toutes celles qui ont été écrites jusqu'à ce jour, y compris celle de Françoise Hildesheimer, qui s'appelle Monsieur Descartes, la fable de la raison, chez Flammarion, sont des biographies qui, évidemment, reprennent les informations qu'on avait à l'époque et qu'on n'a pas pu inventer depuis. Et puis le livre de Léo Strauss, La persécution et l'art d'écrire, aux éditions de l'Éclat, il a fait beaucoup de mal parce que quand on considère que les philosophes n'écrivent pas ce qu'ils écrivent parce qu'ils ont peur de ce qui peut leur arriver, alors on fait dire tout et n'importe quoi à un philosophe. Je ne pense pas qu'on puisse aussi facilement faire l'économie de ce qui a été écrit par un philosophe sous prétexte que les philosophes auraient eu peur et auraient voulu sauver leur peau. Il y avait d'autres techniques, d'autres méthodes de procéder à l'époque qui permettaient plus et mieux de communiquer qu'aujourd'hui. Voilà pour la biographie. C'était Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray. Prise de son, Jean-Noël Durand, France Bleu Basse Normandie. Collaboration technique, Centre dramatique national de Normandie. Réalisation, Véronique Villa. Demain, Camus, l'anti-Sartre.